L'homme aussi en gêne, j'ai qu'on cache ou athée. Seul maté, même manier fin de canier, pire aussi des perdants. Dieu, ça qu'a fait le boy. Dis-moi, Fouchi, pourquoi j'ai moué? Dis-moi, Fouchi, pourquoi moué pour ça? Moué l'amour, oui, tout l'air. Moué qu'aimé. C'est moi femme, c'est chatène. La femme qu'on voit à côté, moi y'a impossible, j'ai moi y'a peine. A ça qui est matériel ou pas capoter, y'a pas dans ce corps, sur ça, ça fait baba. La bonne pièce, sur c'est y'a femme expérience. Connaître ça qu'est souffrance. Pas qu'à laisser corps avec les pas ou la balance. Moi l'amour, oui, tout est. Mais pour qui ça? Oh, ouais. Mais pour qui ça? Persévérance, assolé dans pas qu'à atteindre pièce finance. Sur ces femmes libérées, aimer l'indépendance. On connaît l'intention, non, mais pas qu'à faire confiance. Moi, s'en foutais. Ressemblance, c'est qu'on voit Colombe, qu'on voit des graisses, qu'on a